kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur au nom du Seigneur Jésus Christ. Nikola lamu kia pia banduku na badada beni kutufata kwa internet. Je salue également des frères et des sœurs qui nous suivent à l'internet. Nabo niko na balamu kia mjini Yesu Kristo. Je les salue aussi au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunapigia tena Mungu asante kutukagulia siku ya leo. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous a donné la journée d'aujourd'hui. Kwetu shie ni nema. Pour nous, c'est une grâce. Kupata bahati ya kukusanyika. Avoir la chance de se réunir. Parce que maisha ya mwanadamu pa hii dunia haina na uhakika. Parce que la vie de l'homme sur la terre n'a pas de certitude. Kupata bahati ya kukusanyika ni nema munene sana. Avoir la chance de se réunir, c'est une grande grâce. Na kama mtu anapata neema ya kukusanyika. Lorsque quelqu'un a la grâce de se réunir. Mwakati mule neno ya Mungu ya bia kweli kingariki na ubiriwa. Pendant que la véritable parole de Dieu est encore prêchée. Seke eko na bahati mingi sana kupita bale walikufa mzambi. C'est-à-dire il a plusieurs chances de plus que ceux qui sont morts dans les péchés. Juu ya kingariki na bahati ya ye kuweza kushikilizana tena na Mungu. Parce que lui il a encore la chance de s'accorder avec Dieu. Juu kama mtu anakufa. Lorsqu'une personne meurt. Kunaisha. C'est fini pour lui. Kama sikushikilizanaka na Mungu pale kwa dunia. Si c'était pas accordé avec Dieu lorsqu'il était sur la terre. Ni kusema ule mtu anakufa mubaya. C'est-à-dire que cette personne là est mal partie. Meshi tuko bajima. Mais nous sommes vivants. Tunapata tena bahati ya kukusanyika. Nous avons encore la chance de nous réunir. Amone kusema tuko baheri. Ne voyez-vous pas que nous sommes très heureux. Savoir ta shibama jua kusema neno ya Mungu. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tutabeba maandiko mafashi mbili. Nous allons prendre des écritures. Tutaanza kwanza mu 1 Pierre chapitre yake premier. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Njo mule tutaanza. C'est par là que nous allons commencer. En Pierre chapitre yake premier. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Biblia iko nasema hivi mu verse yake 17. Mstari ya 17 la Bible dit ceci. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun. Na kama mukiita baba ule kuna hukumu kufuatana na matendo ya kila mmoja. Sans exception de personne. Bila kufanya ubaguzi wa mtu. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Mupate kujongoza na boka mwakati yenu ya safari. Tuko na beba tena Hebrew. Mprenons encore wa Hebrania. Hébreux chapitre 11. Wa Hebrania sura 11. Biblia iko nasema hivi verse yake 8. Mstari ya 8 la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation. Ni kwa imani Ibrahimu wakati ya mwito yake. Obéit et parti dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Aliti na kwenda pa fazi pala ripasi kupokea ma uriti. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Na alienda bila kujua alikuwa naenda wapi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Ni kwa imani njua alienda kuikala mwinchi ya malako. Comme dans une terre étrangère. Sawa mwinchi ya kigeni. Habitant sous des tentes. Mwenye kuikala mumahema. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Pamoja na Isaka na Yakobo, bairiti pamoja na imalako moja. Car ils entendaient la cité qui a de solides fondements. Kwani balikuwa na chunga, inchi yenye kuwa na misingi ya nguvu. Celle dont Dieu est l'architecte et le conducteur. Ile Mungu njo aliitunga na kuijenga. Niko naomba. Je vais prier. Tunakupikia asante mfalme na Mungu wa kumbingu. Nous te remercions notre roi et le Dieu du ciel. Muvile ulichikia siku ya leo ipate kuyako. De ce que tu as permis que nous ayons la journée d'aujourd'hui. Wenjo ulituchunga na kuzima. C'est toi qui nous as gardé en vie. Na wenjo ulitikia Seigneur katikati yetu kushikwe mabari mubaya. C'est toi qui as voulu qu'il n'ait pas de nouvelles tristes. Juya ile tuko nasema asante. Pour cela nous te disons merci. Tuko na kualika we Mungu wa kumbingu katikati yetu. Nous t'invitons toi Dieu du ciel de venir au milieu de nous. Upate kushuka Seigneur juu ya kujifunua kwetu. Puisses-tu descendre pour te révéler à nous. Uko Mungu ule shituko natumainia. Tu es un Dieu en qui nous espérons. Na wakati yote uko natureinir mwinamna Seigneur. Chaque fois que tu nous réunis de cette manière, Bwana. Aukosake byawe kutuambia. Tu ne manques pas quoi nous dire. Uifanye kwetu Seigneur mushiku ya leo. Fais-le pour nous Seigneur pour aujourd'hui. Yeyote alikuwa mzaifu mkaburie nguvu. Tout celui qui était venu faible pour celui le fortifier. Yeyote alikuwa Seigneur Jésus-Christ na magumu mbalimbali. Tout celui qui était venu avec des différentes difficultés. Tangia zamani bantu bali kukimbilia kwa we Mungu. Depuis longtemps les gens avaient accouru à toi. Ulianzaga paka kubasaidia. Tu les aidais. Uifanye kwetu Seigneur. Fais-le pour nous Bwana. Juu ya kavumu ya jina yako. Pour la gloire de ton nom. Ukumbuke ikanisa. Souviens-toi de cette église. Na ukumbuke pasteur wetu. Souviens-toi également de notre pasteur. Na bote beko natuongoza Seigneur. Et de tous ceux là qui nous conduisent. Che bote tunajikonfia mikono yako. Nous tous nous nous confions à toi. Mukulomba na imani tu tunakuyua. En priant avec foi parce que nous te connaissons. Mu jina ya bei ya mfano na mkombozi wetu Yesu Kristo. Au nom précieux du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Tunaomba na kusema hivi. Nous avons prié en disant. Amen. Amina. Munaweza kuikali. Pouvez vous asseoir. Tuko napenda tuseme kiloko. Nous allons parler un peu. Mu isije tuko napenda kuentitile. Dans ce sujet, il est tunaweza kuita. Sije yetu tuko naitire mu Hébreux chapitre 13. Notre sujet nous le tirons dans Hébreux chapitre 13. Verset yake 14. Mustari yake ya 14. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Car. Kwani. Nous n'avons point ici bas. Atuna hapa pa dunia. Des cités permanentes. Na muji ya ugawia. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Alakini tunatafuta muji le takuja. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Sujet yetu ni kusema nous n'avons point ici bas des cités permanentes. Ah, notre sujet est intitulé Atuna hapa pa dunia na muji ya lote. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Semaine passée, tulikuwa mukusemea juu ya kujapuye kwa Yesu Kristo. La semaine passée, on parlait sur le sujet intitulé S'appuyer sur Jésus-Christ. Mais tunapenda hii semaine kubadilisha ako kiloko. Cette semaine, on veut un peu changer. Juu tupate kusemea juu ya maisha ya mwanadamu hapa pa dunia. Pour qu'on puisse parler sur la vie de l'homme sur cette terre. Neno ya Mungu wakati yote iko nasema kintu fulani. La parole de Dieu, toutes les fois qu'elle dit sur quelque chose. Neno ya Mungu inekalaka paka ya biakweri. Elle, la parole de Dieu reste toujours vraie. Na muneno ya Mungu njomu natoka masauti ile ya iweze kamwe kuanguka. Dans la parole de Dieu, c'est là que sorte de parole qui ne peut pas faillir, ne peut pas tomber. Na mutu ote wa akili mumashiku ile wanapitisha pa dunia. Tout homme sage pendant son séjour sur la terre. Anapasha kutumainia sana mukile Mungu yuko nasema. Il doit beaucoup espérer dans ce que Dieu dit. Kupita tabila rifunda kumasomo. De plus que même dans tout ce qu'il a étudié à l'école. Kupita tabila rishikia kubazazi yake. De plus que tout ce qu'il a entendu de ses parents. Au bila rishikia mubarafiki. Ou ce qu'il a entendu venant de ses amis. Ni Mungu yuko natuandikia na kutuambia kusema. C'est Dieu qui nous écrit en disant. Pa hii dunia tuko naishi. Sur cette terre où nous habitons. Aina fashi pale mtu anaweza kuwekea kitumaini chake kyote. Na nya pa ina ndrole ou quelqu'un peut encore espérer quelque chose. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Pa hii dunia tuko naishi. Sur la terre où nous vivons. Ni pa fashi pamoja tuko naishi sawa bageni na wasafiri. Nous y vivons sur la terre comme des étrangers et pèlerins. Hakuna fashi mzuri ya mwanadamu kuikalia pa hii dunia. Nya pa un bon endroit où il faut habiter sur cette terre. Mungu yashilandake kama Mungu anasema yuko nasema paka bia kweli. Dieu n'a jamais menti quand Dieu parle il ne dit que la vérité. Même chez benye banadamu. Même nous les humains. Ata vile tunegalaka benye kulangama. Malgré qu'on a toujours été distrait. Mui maisha ya pa hii dunia. Dans cette vie de ce monde. Kama unaangalishisha kila événement yuko nafanika pa dunia. Mais si vous examinez chaque événement qui se fait sur la terre. Ikuye mu maisha yako ya mujamaa yako. Que ça soit dans ta vie familiale. Ikuwe ya mumaisha ya kule ulitoka. Et ça soit dans la vie de là où tu es. Au ya mwile cité uko naikala. Ou de la vie de la cité là où tu es. Kama unangarishisha na macho ya Kristo. Si vous observez avec l'œil. Utavumbula kusema hapa kwa dunia tuko naishi. Vous découvrirez que sur cette terre où nous vivons. Aina fashi mzuri ya kuikaria. C'est pas un bon endroit il faut habiter. Est-ce que nous sommes pas moi, hein? Sommes-nous ensemble? Ababa dunia tuko naishi, frère. Sur cette terre où nous vivons, mon frère. Kama wewe unaigala pa hii dunia. Mais si toi tu y restes. Unaweka kitumaini kiako kiote paka mu hii dunia hii. Tu mets toute ton espérance seulement dans ce monde. Uko mutu wa ole sana. Tu es trop malheureux. Mutoto wa Mungu wa biakweri. Un véritable enfant de Dieu. Mashiku yake yote anapitishaka pa hii dunia. Tout son séjour sur la terre. Anapitishaka sa musafiri. Il est en train de passer son séjour comme. Parce que bitu biote bile tuko naona pa dunia, frère. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre. Biko na tu décourage kuishi. Ça nous décourage na tu lekesha de vivre sur la terre. Mambo yote ile tuko naona pa dunia iko na tuchokesha. Tout ce que nous voyons sur la terre nous fatigue. Est-ce que tu vas moi? Nous sommes ensemble. Ni mumukini gani mule munaweza kuishi, frère? C'est dans quelle situation? Ata kama wewe uko distrait. Même si toi tu es. Mule konola mtu anabamba mtu mwenjake. Vous allez voir quelqu'un qui arrête son semblable, qui tient son semblable. Ana mukata kichwa. Il est le décapite. Na wewe uko naangalia. Kisha uko naishi pafuashi ya ile namna. Tu vis à un tel endroit. Sasa uone fuashi nyingine ile mtu anaweza kuishi bien. Si tu n'espères pas qu'il y a un autre endroit, il faut vivre vraiment. Neno ya Mungu iko natuambia kusema. La parole de Dieu nous dit que sur la terre où nous sommes. Ce n'est pas un bon endroit où il faut habiter. C'est pourquoi mon Bible est où? C'est pourquoi dans cette Bible ici. Muko ba Christ bale batutanguria. Il y a des chrétiens qui nous ont précédés. Bale barionaka bintu munamna ile Mungu yuko nasema. Qui avait vu des choses de la manière dont Dieu parle. Parce que comment mutu frère. Lorsqu'une personne mon frère. Nduku ao dada. Frère ou une sœur. Ashione mubaya kuishi pa hii dunia. Il ne voit pas mal de vivre sur la terre. Ashiweze kukombana jua kaishi fashi ingine. Il ne peut pas vraiment se battre pour vivre ailleurs. Na njo comportement ya bantu mingi pa hii dunia. C'est ça le comportement de beaucoup de gens sur cette terre. Ni fashi mwa mubaya sana frère. Sur cette terre c'est un mauvais endroit. Fashi mwa mubaya sana dada. Un endroit très pire. Wakati ngine mimi nafoleka niko na ikala. Des fois je m'assois. Naanza kujuta muroho yangu. Je commence à méditer. Pourquoi Mungu alipermettre niishi pa hii dunia ya hivi? M'a-t-il permis de vivre? Ile ni mimi peke. Ça c'est moi, ça n'engage. Parce que mukoona bitu biko napita pa hii dunia frère. Voyant les choses qui se font sur la terre. Bila nikaburiaka kuchoka kuishi mwi dunia. Vraiment ça me donne le dégoût de vivre sur la terre. Aina fashi mzuri ya kuikali. C'est pas un bon endroit il faut habiter. Mutoto wa Mungu wote wa biakweri. Tout véritable enfant de Dieu. Anapata kushikia bunya na hii dunia hii. Il doit avoir la répugnance de vivre sur la terre. Jumbele mimi nature yangu. Parce que moi-même dans ma nature. Sipendaye kuona beko na mwanga damu ya mtu mwenjangu. Je n'aime pas voir on verse le sang de mon semblable. Mais leo ukiingia tu par réseau frère. Et aujourd'hui si vous entrez seulement dans les réseaux mon frère. Utashanga. Tu seras étonné. Mwi dunia ile bantu beko napenda kuishi mu. Dans cette terre où les gens bantu beko naishi mwi dunia. Les gens qui vivent dans cette terre. Utawajia sa hakuna fois nyingine ile kuko naishi bantu. Vous croirez qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut habiter. C'est de cette manière-là que les gens vivent. Angaria frère. Regarde mon frère. Ushiwaje kusema pa hii dunia njoo mwisho. Ne crois pas que c'est la fin de vivre seulement sur cette terre. Daire mwi dunia tuko naishi dunia iko yenye kuharibika. Daire sur cette terre où nous vivons elle est déjà pervers. Hakuna kitu kenye kuya na hakika pa hii dunia. Il n'y a pas de certitude sur la terre. Bitu biote bila tuko naona mwi dunia ni paka bya kuoza. Toutes les choses que nous voyons ni paka bya kuharibika. Ce sont des choses perverses. Mu dunia huu tuko naishi. Dans ce monde où nous vivons. Tulipasha kuishi sawa basafiri. Nous devrions y vivre comme des pèlerins ou des voyageurs. Est-ce que tu pas moi? Sommes-nous ensemble, mon frère? Mais où t'en abandes, frère? Mais vous allez voir déjà, mon frère. Ben qu'on a dit tumbukiza mui dunia. Il se plonge de vivre dans ce monde. Où t'en as vu le final, y'a boyote. C'est comme si c'est ça leur finalité. Mukila kitu kinalamuka pa dunia. Dans toute chose qui s'élève sur la terre. Na yana jingiz. Lui aussi s'implique. Kile mambo inalamuka mu dunia. Chaque chose qui s'élève sur na yana jingiz. Et voilà aussi. Mukristo ashikalake. Un chrétien ne peut pas vivre de cette manière. Est-ce que tu Sommes-nous ensemble? Mon Christ a choisi qu'il a mouillé namna. Un chrétien ne peut pas se conduire. Mon parti politique. Dans les partis politiques. Anajingize. Les voilà aussi. Mon groupe tribal. Dans les groupes à Kikabila. Anajingize. Il est là. C'est que mukila mouvement qu'on a la mouka pas dunia. Dans chaque mouvement qui s'élève sur la terre. Et qu'on a peine à y participer. Il voudra qu'il soit là aussi. Apana frère. Non mon frère. Apana dad. Non ma soeur. Mutoto wa Mungu mwi dunia. Un enfant de Dieu dans ce monde. Anekalaka na iji sawa musafiri. Il vit comme un voyageur ou un passager. Pai dunia frère tuko basafiri. Sur cette terre mon frère nous sommes des voyageurs. Regardez d'abord dans cette vie de la terre. Notre vie, elle est très fragile à tel point que vous n'allez pas vraiment les comprendre. La vie de tout homme, telle que nous nous voyons là. Nous sommes vraiment des gens qui mentent de vivre. Est-ce que tu comprends? Ah, nous sommes un mensonge. C'est que toute notre vie sur la terre, c'est un mensonge. Vous allez voir Mutu lorsqu'il garit qui m'a fait un vimba. Il est en train de s'enfler. C'est parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. La vie de tout homme sur la terre, mon frère, c'est vraiment un mensonge. Ce n'est pas quelque chose à laquelle il faut encore se croire. C'est comme dans ce monde. Avant de venir sur la terre, on ne nous avait pas demandé notre avis. Nous tous tels que nous sommes là. Nous étions surpris, nous sommes sur la terre. C'est de la même manière que nous allons encore quitter ce monde. Il n'y a personne au milieu de nous à qui on va demander son avis avant de partir. Voyez-vous que la vie de tout homme, c'est parce qu'il n'y a personne au milieu de nous. Qui connaît comment est-ce qu'il atteindra 18h? Il ne le connaît pas. C'est-à-dire nous vivons seulement dans une vie qui est un mensonge. Là où nous espérons un mensonge. Ceux qui ont découvert du temps de la Bible, leur vie est un mensonge. Ils n'ont pas joué dans ce monde. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Ils ne se sont pas joués. Mais nous sommes tellement distraits. Mungo que Dieu vous bénisse. Sana. Nous sommes tellement distraits. Unona, musafiri, un pèlerin, voyageur, musafiri. Ni mutule ekona safiri. C'est quelqu'un qui voyage. Mais il a quelque chose qu'il poursuit, qu'il va chercher. Mungo que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu ne peut pas habiter sur cette terre ici comme un insensé. Sachant que notre vie est très fragile du côté que teke. Et que nous sommes en voyage. Nous devons prendre seulement des choses nécessaires et essentielles. Ce qui n'est pas essentiel, nous allons les laisser. Parce que nous avons un objectif. Musafiri, un voyageur. Ni voyager na objectif. C'est quelqu'un qui voyage na kifukuzio. Il n'est pas un insensé. Apana frère. Non, mon Apana frère. Dad. Non, ma soeur. Musafari yetu frère. Dans notre voyage, mon Musafari frère. Yetu dad. Dans notre voyage, ma soeur. Mui dunia mule maisha yetu aina tu ya kushibama. Dans ce monde où notre vie n'est pas stable. Tukona kile tukona kombania. Nous avons un objectif pour laquelle na nous kombania. C'est ce que nous poursuivons. Ni ile cité ile. Yenye Mungu mwenyewe njo mujengaji. Que Dieu lui-même est constructeur. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble, mon frère? Angaria frère. Regarde. Aïe n'a pas gagné dunia njo final. C'est pas seulement ce monde qui est la finalité. Kuko muji ingine ile Mungu alisha kutengeneza. Il y a une autre cité que Dieu a préparée. Mula mwigalage magonjo. Là où il n'y a pas de maladies. Mula mwigalage déception. Namuna kukosewa. Mula mwigalage haya. Là il n'y a pas la honte. Na mula mwigalage makaburi. Là où il n'y a même pas de tombe. Mungu bote kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Ile mukini iko ako. Cette cité réellement elle existe. Na mutoto wa Mungu wote wa byakweli. Est un véritable enfant de Dieu. Eko na tumika. Il travaille. Eko na kombana. Il se bat. Muisa fwari yetu. Dans ce voyage. Ni juenda kaingie na ye mwile mukini. C'est pour qu'il aille entrer aussi dans cette cité. Est-ce que tuko pamoja? Nous sommes ensemble. Musafiri ni mtu ambaye anakombana na kifukuzio. Un voyageur c'est quelqu'un qui voyage. Eko na yua kile eko na fukuzia. Il sait son objectif. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu ashikutuacha pa hii dunia tu kwa bure. Dieu ne nous a pas mis sur la terre ici en vain. Tuko na pita pa hii dunia. Nous passons cette terre. Na kifukuzio kia kile tuko na tafuta. Avec l'objectif de ce que nous poursuivons. Tuko na kusanika muhima kutano. Nous réunissons dans cette église. Atukusanike sawa ba katholique. Ce n'est pas comme des catholiques. Atukusanike sawa témoin de Jéhovah. Ce n'est pas comme des témoins de Jéhovah. Apana frère. Non mon frère. Juu ya kuya tu kwanza kupata ufahamu. Apana. Acquérir une connaissance. Chez tuko na kombana. Nous nous battons. Na kifukuzio kia kubamba ile mukini ile. Avec l'objectif de gagner cette cité. Voilà notre objectif. Mungu apate kumbariki. Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Hatutembee ovyo ovyo. Nous ne marchons pas en vain. Hatutembee sawa bajinga. Nous ne marchons pas comme des insensés. Tuko na kile tuko na kumbania. Mais nous avons le but. Na kama mtu anajua kusema mui safari. Lorsque quelqu'un découvre que dans ce voyage. Ni mukeni. Il est pèlerin. Nani musafiri. Il est voyageur. Na eko na kile eko na fukuzia. Et il a un objectif. Anapashwa kukombana. Il doit se battre. Paka apate kile eko na fukuzia. Jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Na ile bukomvi ya ile namna. Et cette façon là de livrer bataille. Biblia eko nasema hivi. Voilà, Bible nous dit. Umu mu 1 Corinthiens. Mwa Korinto wa kwanza. Chapitre yake 9 sura ya 9 verse yake 25 mstari ya 25 Biblia iko nasema hivi. La Bible nous dit ceci. Tous ceux qui combattent. Bale bote bako na kombana. S'impose toute espèce d'abstinence. Bana ditungia mabizuizo ya aina ya kuachana chana. Et il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour avoir une couronne incorruptible. Cet homme de Dieu dit ceci. Kama mtu yuko na kombana juu ya kupata kitu fulani. Lorsqu'une personne se bat pour avoir une certaine chose. Anekalaka na bila na jikaburiaka sabijila. Ah, il a des abstinences qui se donnent. Jo vile binekalaka mu makomba yote. C'est comme ça que ça se fait. Parce que Biblia iko nasema makomba yote. Puisque la Bible dit dans tous les combats. Munajua kusema sema christianisme nayo ni combat. Savez-vous que qui Christ n'a que c'est aussi un combat? Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. C'est que mtu wa Mungu anasema. C'est-à-dire cet homme de Dieu. Bote bale banekalaka mu bukomfi. Tous ceux-là qui combattent. Il s'impose toutes sortes de choses. C'est parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Que ce soit des catcheurs. Que ce soit des joueurs. Que ce soit ceux qui font les karatés. Que ce athlètes. Que ce soit des kimbia mbia. S'ils font, ils livrent leur combat. Objectif yabo. Leur objectif est mali. C'est pour qu'ils puissent gagner la couronne. Puisse gagner la couronne. Naudona mutu. Vous allez voir. Anaweka concentration yake yote. Anajizuiza. Kuko byakuria bingina shweze kuri. Ya d'autres aliments qu'il ne peut pas prendre. Mungu apate mbariki. Dieu vous bénisse. Kama ni kulala parfois je peine kuya pla atalala. S'il faut dormir sur une planchette. Sake mutu kona jikaburia bingila. Il va se donner toute une liste de. Ni jua wine mwile komba. C'est pour qu'il puisse gagner dans ce combat. Mungu apate mbariki. Dieu vous bénisse. Maintenant, hii komba yetu ya imani. Et maintenant, notre combat de la foi. Aina juu ya kupata kitu kia kuarabika. Ce n'est pas pour gagner une couronne corruptible. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Angalia frère. Regarde mon frère. Angalia dada. Regardez ma sœur. Kama ulipata kwa ufunuo. Si tu avais reçu dis-moi la révélation. Ya kuyua kile Mungu anachungia. De savoir ce que Dieu réserve. Bote bale benye kukombana juu ya imani. A tous ceux qui combattent pour la foi. Mina waja kila nduku. Je pense que chaque na frère. Na kila dada. Et chaque sœur. Alipasha kujikaza sana. Il devait tellement s'efforcer. Ndani ya maisha yake. Dans sa vie. Tu as kuishi paka mapenzi ya Mungu. Pour vivre seulement la volonté de Dieu. Mungu vote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Angalia frère. Me regarde mon frère. Kuko ma avantage yenye iko ina incalculable. Il y a des avantages ile hawezi kuhesabia. Ile Mungu ako nachungia bale bote bako na kombania imani. Que Dieu réserve à tous ceux là qui combattent pour la foi. Leo hii christianisme. Aujourd'hui leo ki Kristo. Inaanza kuonekana saa haina na nguvu. Ça paraît comme si ça n'a pas de force. Ni jubatu mingi. C'est parce que beaucoup de gens. Banduku na badada. Des frères et des sœurs. Abala na kile beko nafukuzia. Ils n'ont pas d'objectif. Abajue. Beko natoka wapi? D'où est-ce qu'ils viennent? Abajue beko wapi? Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Na abajue beko naenda wapi? Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Njoko mana unaona aina na forme. C'est pourquoi ça n'a pas na umbo. Alors que mu Christ wote wa bia kweli. Pourtant que tout véritable chrétien. Mu Christ wote mwanaume au mwanamke. Tout véritable chrétien. Mwenye kujua kusema mashiku yake pa hii dunia iko konte. Si connaît que ses jours sur la terre sont comptés, il n'a sabi où. Mwile kiloko Mungu anamkaburia. Dans peu de jours que Dieu lui a donné. Frère. Alipasha kutoa nguvu yake yote fournir tout son effort Dieu akusema apitishe safari yake mzuri il puisse passer très bien son séjour c'est la vérité ni kweli mais angalia vile bantu abashituke mais regardez comment les gens ne font aucun cas leo kila ndugu na kila dada anapasha kuyua aujourd'hui chaque frère et chaque sœur doit savoir tuko biumbe bya wakati que nous sommes des créatures temporaires éphémères sommes-nous ensemble Tuko biumbe bya wakati. Nous sommes des créatures éphémères. Maisha ya mtu ni maisha moya ya bongo sana. La vie de tout homme c'est vraiment un mensonge. Mtu anakufa kata shigonjo. L'homme peut mourir même sans tomber malade. Mungu wote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mtu anasema utawazaka sema mimi nakuwa karibu na kufa. Ce n'est pas que tu vas méditer que je suis proche de mourir. Non. Mtu anakufuaka wakati ile Mungu anasema que mashiku yake nene. L'homme meurt lorsque Dieu lui-même fixe. Mais na sababu umbe ba wakati. L'homme des créatures temporaires. Tuko na mashiku kiloko sana ya kuishi pa hii dunia. Nous avons seulement peu de jours à vivre. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Alipasha kufanya nguvu yake yote. Il devait fournir tout son effort. Dieu akushi ka Yesu Kristo ndani ya maisha yake afin de gagner Jésus Christ dans sa vie est-ce que tu pamoja sommes-nous ensemble parce que pale uko naishi na hii dunia frère est-ce que tu vis encore sur la terre uko naishi pa hii dunia dada tu vis sur cette terre ma sœur kama lufu unakubamba hata mkanisa huko et si la mort te saisissait même dans cette église ici angalia frère me regarde un peu mon frère unaweza kuona mtu yuko tunatembea hivi vous allez voir quelqu'un qui marche Sa ville dadango alikufaka kulubumbashi. Comme ma sœur était morte à Lubumbashi. Anatoka tulayo Kishasa. Elle a quitté Kishasa. Anakaa kulubumbashi. Elle est venue à Lubumbashi. Anafika anaanza kuikala. Elle est arrivée maintenant elle était. Anafanya une semaine. Elle a fait une semaine seulement. Anatoka na nje busubui. Elle est même sortie. Anakaa pakichi. Le matin c'était assise. Ndio anamuita papa leki wetu moya. Elle a appelé notre papa. Asa papa pita kuya kuya kuya kuya. Papa pita viens d'abord. Unibambe unibambe unibambe. Tiens moi par la main. Anamubamba anaona mtu yuko pale ndani. Il a vu en train de chiter là. Mtu anaanguka. Oh il est tombé. Oh muite motoka. Kumbe la hospital. Asema alikufaka zamani. La mena à l'hôpital apporter mort. Ndio vile maisha ya mtu iko. C'est comme ça la vie de l'homme. Mungu apate mbariki. Metana kama wewe uko naishi. Mais si toi tu vis. Mukushikia hii sauti ya Mungu. En écoutant cette parole. Ata ulungulake tension. Même si tu ne Parce que watu wanaweza kusema tension ndio wanakufuka mbio mbio. Les gens croient que c'est seulement tension inaweza kubamba paka pale na kubamba mimi na kuua paka pale. Mais tu peux contracter l'hypertension tu meurs sur place. Parce que toi pas si tu n'en avais pas. Parce que comment on a kufwa vile. Si tu mourais de cette manière-là. Mule mu mawazo yako. Dans ta pensée là. Unawazaka sasa utaenda wapi? Tu crois que tu iras où? Est-ce que toi pas moya? Sommes-nous ensemble? Kule unawazaka sasa utaenda ni wapi? Là où tu crois aller c'est où? Frère Branham yuko nasema hivi. Tuko Branham nous dit ceci. Napenda misome Frère Branham leo. Je vais vous lire le Frère Branham aujourd'hui. Mui message les signes de la semence du temps de la fin. Ujumbe ma alama ya mbeko ya kumwisho. Anasema hivi, paragraphe 42. Nukta ya 42. Anasema les gens sages. Anasema batu ya hekima. Quand ils découvrent qu'ils sont des créatures du temps. Wakati le wanafumbula sema ni biumbe bya wakati. Il se demande ce qui va se passer quand le temps va s'arrêter. Beko na juliza ni vitu gani vitafanyika wakati pale itasimama. Est-ce que tu vas moya? Songo ensemble. Anasema mwangalie wakati ya Biblia. Regarde du temps de la Bible. Bantu bote bale balikuwa na hekima. Tous ceux qui étaient sages. Kama banavumbula. S'il découvre. Ya kusema ni biumbe bya wakati. Que ce sont des créatures temporaires. Paka pale. Sur les champs là. Kisha ye kufumbula. Après avoir découvert. Anaanza kujiuliza. Commence à se poser des questions. Pale atakufua. Lorsqu'il va mourir. Atenda wapi. Où est-ce qu'il va aller? Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble? Njo vile bilikuwa kubatu benye hekima mu Bible. Que ça se faisait chez les sages dans la Bible. Kama anavumbula kusema ni mtu wa wakati. S'il découvre qu'il est une créature temporaire. Ashiweze tena kutembea sawa bumbafu. Il ne peut plus se conduire comme un insensé. Ah! Non. Eko unapenda kuwe na hakikisho. Il voudra avoir la certitude. Pale kuna bujima. Lorsqu'il est encore vivant. Ya kuyua kama anakufua. De savoir s'il mourait. Atenda wapi? Où est-ce qu'il va aller? Njo benye hekima. Voilà les sages. Na kama na wako na hekima. Si toi aussi tu es un sage. Unapasha kutenda sabali bali tutangulie. Tu dois agir comme ceux qui nous ont précédés. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Sasa mtoto wa Mungu abia kweli. Un véritable enfant. Siku yote kama eko natembea. Tous les jours lorsqu'il marche. Eko najiuliza. Il se pose la question. Kama hata mimi nakufa mu accident. Même si je mourrais d'un accident. Nitaenda wapi? Où irai-je? Kama mimi nakufa mbushingi. Si je mourrais en sommeil. Taenda wapi? Où irai-je? Kama crise cardiaque inanibamba. Si j'attrape la crise cardiaque. Mimi nakufa kwa ghafla. Et que je mourrais brusquement. Nitaenda wapi? Où irai-je? Njo bantu benye kuya na akili. Les gens qui sont sages. Est-ce que tu vas moya? Sommes-nous ensemble? Mutoto wa Mungu asitembee ke sabu mbafu. Un enfant de Dieu ne sait pas. Parce qu'il anajua kusema. Parce qu'il sait que. Eko kiumbe kya wakati. Il est une créature temporaire. Na ile wakati hakuna yule anayuwaka. Et ce temps-là, personne ne le connaît. Mais Biblia iko nasema. Mais la Bible dit. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Mumaisha yake. Dans sa vie. Muko kistari kile hata tambukaka. Il y a une ligne qui ne peut pas franchir. Est-ce que tu comprends moi? Est-ce que ouais, on a joué à qui le Christ? Est-ce que toi tu connais cette ligne là? On a joué à les chiku. Connaissais-tu ces jours là? On a joué à les wakati. Connaissais-tu ce temps là? Ah, on a joué ni dans quelles circonstances? On a joué ni mumambo kani takufikia. Mais comment on est distrait? Mais pourquoi tu es kulengama? Tu as nini uko distrait? Pourquoi tu es distrait? Mon maisha yako? Dans ta vie? Uko naacha n'importe quoi ingie. Tu laisses n'importe quoi. Wewe mwenye kujua kusema bujima bwako. Hauna nabo hakikisho. Unaweza kutoka pa dunia demo ma l'autre. Mais pourquoi uko distrait? Pourquoi unalengama? Tu as nini? Pourquoi? Ni juko bumbafu. C'est parce que tu es un insensé. Parce que Biblia inasema. Parce que la Bible dit. Bantu ba hekima. Les gens sages. Wakati beko na fumbula kedi ba biumbe ba wakati. Ils découvrent que ce sont des. Na banajua kusema maisha yabo itashibama quelque part. Ils savent que leur vie. Banajuliza kule bataenda kisha hii bujima. Ils se posent la question où est-ce qu'ils vont partir après cette vie. Mais wewe uko paka naishi mudunia. Et toi tu continues à vivre dans ce monde ici. Furaha yako wewe. Ta joie à toi là. Ni kama unakuria bien. C'est lorsque tu manges bien. Unauza nguo ya sasa? Tu payes un nouveau vêtement? Munauza vitu vya munyumba? Vous payez des meubles dans la maison? Njo kule kunabakia kitumaini kiko kyote. C'est là que reste toute ton espérance. Uko naacha nafsi yako. Mais tu laisses ton âme. Ile ulipasha kuhangaikia sana. Celle pour qui tu devais beaucoup se préoccuper. Frère. Nduku. Ata vitu vyenye watu wanauzaka manyumba. Même les choses que les gens achètent. Na manguo. Et même les habits. Na vitu vyote manyumba. Et n'importe quoi. Ni vya valeur tu kama mtu angali bujima. Ce sont des choses valables lorsque tu vis encore. Est-ce que munayuaka vile? Savez-vous? Ata kama uko na franga ku banki. Même si tu as d'argent en banque. Ata kama unauza magari. Même si tu payes des véhicules. Mais kama mu maisha yako. Si dans ta vie, tu prépares futur yako. Tu n'avais pas préparé. Kisha wewe kutoka pa hii dunia. Uko bumbafu. Si tu sortais, tu quittais ce monde, tu es un insensé si tu n'avais pas préparé ton avenir. Uko bumbafu ça. Tu es vraiment un insensé si tu n'avais pas préparé ton avenir. C'est la vérité. Ni kweli. Kuko bengine hapa katikati yetu. Il y a d'autres au milieu de nous. Aba yule kama nakufa atenda wapi? Ils ne savent pas si le meurt aujourd'hui où est-ce qu'il va partir. Asa uko mtu kunini? Tu es quel genre d'homme? Au yue kule utakula utaenda kisha alufu yako. Tu ne sais pas là où tu iras après ta mort. Apana, frère. Neno ya Mungu, frère, ile tulipokea mwakati yetu. La parole de Dieu que nous avons reçue dans notre temps. Ni nuru munene. C'est une grande lumière. Ile mutu eko amezir. Là où tout le monde. Eko naishi pa hii dunia meko najua na destinée yake. Il vit sur la terre, il connaît même son avenir. C'est la vérité? Ni kweli. Tulipokea mujumbe, frère, mwangaza. Nous avons reçu le ile konangazia kila ndugu na kila dada. Frère, eko mukipima kia kujua sori yake finale. De connaître son dernier sort. Et angalia vile wewe wiko. Mais regardez comment toi tu te comportes. Mui dunia ya mahatari hatari. Dans ce monde où il y a beaucoup de dangers partout. Babandi beko naingiliana. Il y a des bandits qui s'infiltrent, qui tuent les gens. Leo hii. Aujourd'hui. Roho ya mutu ishakuwa mubaya. L'esprit de l'homme est dangereux. Banaweza kukuua hata kwa mashamba. On peut te tuer même tout en état. Banaweza kukuua hata mubarabara. On peut te tuer même sur la route. Banaweza hata kukonga. On peut même te cogner. Pourquoi uko naacha vie yako? Pourquoi tu laisses ta vie? Bila kuwa musekirite juu ya nini? Sans être en sécurité mukingo. Pourquoi? Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi tu es distrait? Est-ce que on a joué si on t'a coupé? Tu connais les jours que tu vas mourir? Na on t'a coupé moi alikan. Et tu mourras dans quelles circonstances? Dans oh, quel non, état? Mie, oh moi. Mimi napendaka tu nikufe ko mimi nalukula tu kidogo mimi nakufu. J'aime tomber malade un peu seulement là et puis mourir. Biblia iko nasema. La Bible dit. Hakuna hata mtu moyo mwenye kwa na pouvoir yule bujima bwa. Il n'y a personne qui a le pouvoir sur sa vie. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Hata kama wewe unapenda sema mimi napenda nikufe lufu lumolo wa calme. Même si tu dis que moi. Ile ni selon wewe. Mourir d'une manière calme, ça selon toi. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu pengine aliona akasema wewe batakupikaka tu ni makofi unakufa paka na makofi. Peut-être Dieu avait prévu que toi tu seras tapé seulement par des coups de main. C'est pourquoi nduku yangu na dada yangu. Mon frère et ma sœur. Mui maisha yetu tuko nayo mui dunia. Cette vie que nous avons. Tunapasha kuya prêt kila wakati. Nous devons être tayari à tout moment, prêt à tout moment. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Tunapasha kuya tayari. Nous devons être très prêts. Benye kujua kusema tuko babiumbe ba wakati. Sachant que nous sommes des créatures temporaires. Kama una remarque mu vie yako. Si tu remarques que dans ta vie. Kuko kitu kinaweza kukupotesha. Il y a quelque chose qui peut te faire perdre. Ukisimamishe. Il faut l'arrêter le plus tôt possible. Est-ce que tu pas moya? Nous sommes-nous ensemble. Simamisha frère. Arrête vite mon frère. Simamisha dada vite kukute kitu. Ça ne peut rien t'écouter. Parce que siku ya lufu lwako. Parce que les jours de ta mort. Utatafutaka utengeneze. Tu chercheras à réparer. Peut-être utapatake le wakati. Peut-être tu n'auras pas cette occasion. Aina batu bote banapataka wakati ya kutengeneze. C'est pas tout le monde qui a la chance de réparer. Est-ce que tu vas mourir? Nous sommes-nous ensemble. Angalia sana dada yetu tulienda kushika. Regardez comme la sœur que nous sommes allés enterrer. Kama wewe ukingariki na chunga. Mais si toi tu gardes encore. Karibu na lufu njo utengeneze maisha. Après, avant de mourir. Mais kama unakufa mu accident. Mais si tu mourais lors d'un accident. Tu mourrais par accident. Quand est-ce que tu vas réparer? Quand est-ce que tu vas réparer? On a dit tu es kamijiko. Te voilà, t'es chargé de fardeau. On a dit tu es kabitu bia mingi. Tu te surcharges de beaucoup. Bile conscience yako kona kuambia kusema. Que ta conscience te dit. Bakale kamulango kembamba utapita. Par cette petite porte là. Mais à ta vie, loko paka na continuer. Malgré cela, loko paka na endeleya. Auna na akiri. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas intelligent. Kama unakufa mubushingishi. Si tu mourais dans le sommeil. Utatubu siku kani. Quand est-ce que tu vas te repentir? Uko na mambo na ule frère. Tu as des problèmes avec ce frère là. Uko na mambo na ule dada. Tu as des problèmes avec cette sœur là. Uko na mambo na bakwe yako. Tu as des problèmes avec ta famille. Uko na mambo na voisin yako. Tu as des problèmes avec tes voisins. Uko kiwelewele. Tu es un insensé. Kichwa kiako kiko malari. Est-ce que unawazaka kusema na bile vyote ulisha kujitwika twika? Unawazaka sema kwa kiumbe kia wakati. Tu crois avec toutes ces choses là que tu t'es surchargé. Tu crois que tu es une créature temporaire? Est-ce que unawazaka vile? Est-ce que tu penses au moins à cela? Awa buwazake. Ou bien tu ne penses pas? Kama unakufua. Si tu mourais. Parce que andiko yetu unasema. L'écriture dit. Nous n'avons point ici bas. Atuna apa padunia. Desite permanent. Namuji ya kuendelea kudumu milele. Hakuna maisha pa dunia haina ya kukawa. Ah, la vie sur la terre n'est pas éternelle, elle est éphémère. Haina ya kukawa. Elle n'est pas durable. Et puis angalia mbele frère. Me regarde mon frère. Selon Bible. Kufuatana na Biblia. Watu wanaishi mpaka 70 ans. Les gens meurent à 70 ans. Bengine wanaendesha 80 kani ba nguvu. 80 si sont forts. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Angalia sasa. Regarde. Hata kama tunasema vile. Même si nous le disons. Kama mnaenda kwa cimetière. Si vous allez au cimetière. Mutakuta ba mingi beko nakufa paka ma 60. Vous trouverez beaucoup de gens morts à 60 quelque, à 40 quelques. Ma 30 quelques. À 30 quelques. Ma 20 quelques. À 20 quelques. Na ma dizaine. Et même na ma. Est-ce que tu comprends moi ya? Mwende kwa cimetière ndio vile. Allez au cimetière vous allez voir. Mais vérifiez mon miaka yako. Vérifiez maintenant ton âge. Selon ma pensée yako. Fatana na mawazo. Uko na wazia sema kuna kubaki. Tu crois qu'il te reste encore combien d'années? Bumbafu. Insensé. Nasiki. Ona wajia sema kuna kubakiria wewe ngapi? Tu crois qu'il te reste encore combien d'années? Parce que onona sema mimi naenda kwa hospitali rarement. Tu dis je fréquente l'hôpital très rarement. Est-ce que bila bidu? Tombe malade rarement. Uko na bilinganisha nini na bushima bwa? Tu le compares à quoi par rapport? Kama wewe uzobeleki kwenda kwa hospitali. Si toi tu n'es pas habitué à tomber souvent. Est-ce que ndio ile inaonesha kusema utakufa bébé? Est-ce que c'est ça qui prouve que tu vas pas mourir? Ne mukichwa yako kuna jikaburia mawazo ya bongo. Tu te donnes des fausses consolations dans ta tête. Parce que Biblia kona sema mutu. Avance la Bible. Eko na mpaka mule hata tambukaka. Hata kama tangia mtoto huyu agonjwaka. Siku utafika fa ile mpaka paka utaanguka. Tu que tu vas trouver cette ligne, tu vas tomber, tu vas pas franchir la ligne. C'est la vérité. Ni kweli. Paka utaanguka. Certes tu vas tomber. Oh. Ima siku yote siku kwetu mgonjwa. Il n'était même pas malade. Siku kwetu mgonjwa. Il n'était même pas malade. Alikuwa tu lwake bien. Il était là en bonne santé. Na kuna kawia sana shenda kwa hospital. Ata vile haina sécurité. Il ne tombe pas malade. Malgré cela, ce n'est pas ça la sécurité. Haina sécurité. Ce n'est pas ça utile. Juu tuko biumbe bya wakati. Parce que nous sommes des créatures temporaires. Maisha ya mwanadamu ni ya bongo. La vie de tout homme, c'est vraiment un mensonge. Mutu mwenye kuwa na akili. Un homme intelligent. Ni ule kona waza kama anakufwa. C'est celui qui médite s'il mourrait. Atenda wapi? Où est-ce qu'il va aller? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Angara namna huyo mtu wa Mungu alikuwa anasema. Regardez comment cet homme de Dieu est en train de dire. Ni sage Salomon. Ni wa hekima Salomon. Eko anasema hivi mu Ecclésiaste. Dit ceci mubiri. Anasema hivi. Il dit ceci. Ecclésiaste chapitre yake 9. Mubiri sura ya kenda. Verset yake 12. Musari ya kumi. Anasema hivi. Il dit ceci. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Mutu asijue wakati yake. Asijue wakati aye kufwa. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Hakuna tamwe katikati yetu anajua wakati aye kufwa. Il n'y a personne au milieu de nous qui connaît quand est-ce qu'il va mourir. Kama tuko benye kuwa na hekima na akili. Si nous sommes sages et intelligents. Tunapasa kujipose question leo. Nous devons nous poser la question. Kama mina kufa mitenda wapi. Si je mourrai aujourd'hui, où est-ce que j'irai? Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Hivyo hivyo na samaki ile na bambo mumakila kwa gafa. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Pamoja na bandeke wale wana bambo mitego. Comme eux. Sawa bo. Les fils de l'homme sont élancés. Batoto ya mutu banadi tupa. Au temps du malheur. Wakati ya ole. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Wakati le ole na bangukia kwa ghafla. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mashiku ya mutu frère. La vie de l'homme. Mashiku ya mutu dada. La vie de l'homme ma soeur. Pa hii dunia. Sur cette terre. Ashi waki. Il ne connaît pas ce qui peut lui arriver. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ni kweli. Mutu ashijua keshiku atakufua. Personne ne connaît le jour qui va mourir. Eko sa vile samaki. Il est comme un poisson. Eko sa ndeke oleko na bamba mumuteko. Il est comme un oiseau qui se lance dans les filets. Eko na tembea tu. Il marche. Meshiku yeye kutoka pa dunia shiuwe. Mais le jour qui va quitter ce monde, il ne connaît pas. Meshi toko batoto ya Mungu. Mais néanmoins, nous sommes des enfants de Dieu. Tuko bende kukalamushiwa mukila kintu. Nous sommes avertis à toute chose. Njoko mana tuko na hivi sabantu benye kwa na hekima. C'est pourquoi nous vivons comme des sages. Mukwa ngarizisha kila kintu. En observant toute chose. Juku shikuye kile kitafanya obstacle kama mina kufwa. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut faire obstacle lorsque je vais mourir. David na yeko nasema hivi. David aussi dit ceci. Psaume chapitre 39. Zaburi 39. Verset 4. Musari ya 4. Tutashuka na chini. Nous allons descendre en bas. Anasema hivi. Il dit ceci. Mon cœur brille au dedans de moi. Moyo wangu kwa na ugua ndani yangu. Un feu intérieur me consume. Moyo wanda moto wandani kwa na niugu. Et la parole est venue sur ma langue. Na neno ilikuwa yuli ya ulimi yangu. Éternel. Wamilele Yehova. Dis-moi. Uniambie. Quel est le terme de ma vie? Uniambie mwisho ya maisha yangu iko wapi? Est-ce que tu pamoja? Somno ensemble. Huyu ni mfalme. Celui-ci c'est un roi. Daudi. David. Mungu apate mbariki. Je vous bénisse. Na yari kwa na hekima. Lui aussi était sage. C'est kulifika tu siku moja. Il est arrivé un jour. David anangaria ma evenema ile kuna pita. David a observé les événements qui s'est passé. Anangaria kando kando yake. Il a regardé tout autour de lui. Kuko bantu bale benyari kwa naishi nabo. Il a déjà vécu, vivait. Mebeko na kufa macho yake. Qui mourait en sa présence. Mungu apate mbariki. Que Dieu. Anangaria batoto bale rizala. Il a vu ses enfants que lui a. Ma evenema ile kuna pita mbatoto yake. Les événements qui s'est passé dans ses enfants. Kuko bengine alipendaka sana. Il y a les autres qui le. Mebeko na kufa macho yake. Qui mourait sous ses yeux. Ah, David akaanza kuhangaika. David était. Parce qu'il kwa anangaria mbele vie yake. Observer d'abord ça. Kila wakati yako na ipima na sauti ya Mungu. Chaque fois il a comparé à la parole de Dieu. Maintenant anasema pale alianza kuhangaika. Lorsqu'il était agité. Akapata misemo ikakuya kuulimi wake. Ah, il a reçu des paroles sur sa langue. Akaambia wa milele. Na il a dit à Jehovah. Unisaidie. Aide-moi. Unioneshe vile maisha yangu itashimama. Montre-moi le terme de ma vie. Est-ce que tu comprends moi? Nous sommes nous ensemble. Parce que mutu wa hekima. Parce qu'un homme sage. Anapendaka ajue mwisho wa maisha yake. Il aimera savoir la fin de ses jours. Quelle est la mesure de mes jours? Nani kipimo kani kia maisha yangu? Que je sache combien je suis fragile. Nipate kujua mara ngapi niko teketeke. Voici tu as donné à mes jours la largeur de mes mains. Tazama ulipatia mashiku yangu bufupi tu wa mkono yangu. Et ma vie est comme rien devant toi. Na bujima wangu buku tu ni bure. Oui. Ndiyo. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, ndio. L'homme se promène comme une ombre. Muto eko natembea sawa kimvuri. Et il s'agit d'événements. Na, eko bule bule. Est-ce que tu comprends moi, frère? Sommes-nous ensemble? Réfléchissez un peu de la même manière que David, cet homme de Dieu. Unyoneshe mwisho wa mashiku yangu. Montre-moi le terme de ma vie. Asema bia kweri. Il a dit certes. Maisha ya muntu. La vie est tout homme. Iko sakimvuri. C'est comme l'ombre. Bia kweri. C'est vrai. Mangaiko yote ya mutu mwi dunia. Toute agitation de la société. Eko nangaika kwa bule. Il s'agite en vain. Mutu eko nangaika bule. L'homme s'agite vainement. Ukonona mutu eko na sacrifier maisha yake yote. Vous allez voir quelqu'un qui sacrifie toute sa vie. Jua yenge nyumba mzuri. Pour construire une belle maison. Jua uze gari. Pour payer. Jua batoto bake bafunde. Pour que ses enfants puissent. La Bible yako nasema. Mais la Bible dit. L'homme s'agite vainement. Mutu eko nangaika tu kwa bure. Bure. Il s'agite vainement. Kuyenga nyumba ni kitu kizuri. Construire une maison c'est une bonne chose. Batoto bafunde ni kitu kizuri. Les enfants étudient c'est une bonne chose. Mais mangaiko ya muntu. Mais l'agitation de l'homme. Il passe kuya au-delà ya bile bitu. Il devait être au-delà de toutes ces choses là. Sommes-nous ensemble? Qui le mutu alipasha kuhangaikia sana? C'est là pour qui? Ndani ya maisha yake. Ni kumupata Yesu Kristo. C'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Qui le mutu alipasha kuhangaika? Voilà la chose pour laquelle il devait s'agiter. Ukonona mutu frère. Vous allez voir quelqu'un mon frère. Akili yake yote. Toute son intelligence. Ni afunde. C'est qu'il est dit. Akuye fulani. Qu'il devienne comme tel. Akuye fulani. Qu'il devienne ceci. Aina mubaya. C'est pas mauvais. Maintenant. Fwasi ya wokovu ya nafsi yako. Mena, où est la place du salut de ton âme? Njo question tuko nakuuliza. C'est ça la question qu'on te pose. Mubia ote bile uko nahangaikia. Dans tout ce que tu t'agites. Na vile woko spécialiste mwi dunia. Mubi, toi tu es spécialiste. Muma effort uko nafurni. Dans l'effort que tu fais. Unaisha masomo. Tu as payé. Unayenga nyumba. Tu as construit. Unaweza kuuza gari. Unaweza kuuza moto. Tu as payé une moto. Mena nafsi yako. Mena ton âme à toi. Est-ce que c'est comme sécurité? Est-il en sécurité? Tu ulize wewe kujiuliza. Voilà la question qu'il faut te poser. Nafsi yako. Ton âme à toi là. Et comme sécurité. Est-elle vraiment en sécurité? Maintenant, angari. Ça, ça mena regarde. Mubitu biote bile benye unaweza kupata pa hii dunia. Dans toutes les choses que tu peux obtenir dans ce monde. Kama ukumupata Yesu. Si tu n'avais pas obtenu Jésus-Christ. Uko bumbafu. Tu es un insensé. Ata uko licencié mudroit. Même si tu es licencié en droit. Atako licencié mu doctorat. Même si tu es licencié, tu as eu des doctorats. Atakama uko wenjo général. Même si toi tu es un général. Atakama wenjo ko chef de l'État. Même si tu es araisi. Chef de l'État wakufa bila Mungu ni bumbafu. Chef de l'État qui meurt sans Dieu, c'est un insensé. Atakama mutu ni ministre. Même s'il est ministre. Anakufa bila Mungu, c'est un insensé. Il meurt sans Dieu, ni mutu mpumbafu. Sommes-nous ensemble? Ni bumbafu tellement sana. Il est tellement insensé s'il meurt sans Dieu. C'est-à-dire toutes les choses pour lesquelles il s'agitait sur la terre. Abimusaidie kintu. Ça ne l'a aidé à rien. C'est pourquoi mutu wa Mungu alisema. C'est pourquoi cet homme de Dieu. L'homme. Mutu. S'agite vainement. Et qu'on angaikia tu biabule. Et qu'on angaika biabule. Il s'agite vainement. Mutu mwenye kuwa na akili. Un homme qui est intelligent. Alipasha kuangaika juu ya nafsi yake. Il devait s'agiter pour son âme. Jésus-Christ kuna tupatia parabole moja. Jésus-Christ nous donne fumbo. Iko ni miliki. Ni moluka. Chapitre yake 12 munaiua. Luka 12, vous connaissez bien ce verset yake 16. 12, 16, Luka. Juu mtasema sema mhubiri kuna chambula bantu babumbafu. Ni maparole nitoa pa mkinywa kwa Yesu yepe. Les prédicateurs insultent des gens comme insensés. Ce sont des paroles sorties de la bouche de Jésus. Tu veux verset yake 16 tushuke chini. Verset 16, Luke 12, verset 16. Tutashuka chini. Nous allons descendre en bas. Il dit cette parabole. Akabambia ifumbo. La terre d'un homme riche avait beaucoup remporté. Mashamba ya umutu mutajiri ilimuletea mafuno mzuri. Et il y raisonnait en lui-même en disant. Alikuwa nafikiri ndani yake mwenyewe nakusema. Que ferai-je? Hapa sasa nitafanya tena nini? Je n'ai point de place pour serrer ma récolte. Mimi sina tena fwashi pa kuweka mavuno yangu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble ici? C'est huyu mtu. Cet homme ici. Mawazo na nguvu yake yote. Sa pensée même toute sa force. Aji concentré tout ni juu ya mabien matériel. Il est concentré yule habitu tu ya mkimwili ya mabien. Bitu bya kimwili. Les choses matérielles. Alitumika sana ni kitu kizuri. Il avait beaucoup travaillé, c'est une bonne chose. Mais il savait nafsi yake. Mais il avait oublié son âme. Kama uko natumika frère. Si tu travailles mon frère. Uko natumika dada. Tu travailles ma sœur. Ujisabu nafsi yako. N'oublie pas ton âme. Parce que bitu biote bilo tapata pa dunia. Parce que toutes les choses que tu peux acquérir. Mais kama unafanya erreur ya kukosa Yesu. Mais si tu faisais l'erreur de manquer Jésus. Uko bumbafu. Tu es vraiment insensé. Aina mimi niko nasema tumsome mbele Yesu. C'est pas moi qui l'ai dit. Lisons d'abord ce que dit Jésus. Mungu abote mbariki. Que Dieu vous bénisse. Voici dit-il ce que je ferai. Tazama bila nitafanya akasema hivi. J'abattrai mes greniers. Nitapomona hii magala. J'abattirai des plus grands. Tayenga ya munene sana. J'amaserai toute ma récolte et toutes mes biens. Taweka mo mafuno yangu na mali yangu yote. Alikuwa mpeta huyu mtu. Il était très riche cet homme. Et je dirai à mon âme. Nisha, tambia nafsi yangu. Mon âme. Nafsi yangu. Tu as beaucoup de biens réservés. Kuna mali mingi. C'est que wewe maisha inakutwangia magoti. C'est-à-dire pour toi la vie. Njoo mulangaji ya leo. Maisha inesha kunitwangia magoti. La vie s'est agenouillée devant moi. Aina tu mambo. C'est pas grave. Mon âme. Nafsi yangu. Tu as beaucoup de biens réservés. Unapata mali mingi katika akiba. Pour plusieurs années. Juu ya miaka. Sasa alikuwa na makonta hata ku banki. Tari il avait même des comptes. Repose toi. Sasa nafsi yangu pumzika. Mange. Kula. Bois. Ukunywe. Erejitwa. Na ufurahi. Mais Dieu lui dit. Alakini Mungu akamwambia. Insensé. Huko mujinga wewe. Tuko nasoma pamoja. Est-ce que nous lisons ensemble? Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu akamwambia pumbafu. Tu es un insensé. C'est qu'on a dit confier tout Dieu kwa na makuta ku banque. Tu te confies seulement d'avoir des comptes en banque. On a dit confier tout Dieu wewe. Tu te confies. On a quoi na garantie? Mambo ya bukari ya utafutake tena. Tu ne cherches plus à manger, tu as des garanties à ce qui concerne. Aina mambo ni kitu kizuri. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais tu as vérifié nafsi yako. Tu as vérifié ton âme aussi. Est-ce que nafsi yako comme sécurité? Est-ce que ton âme aussi est en sécurité? Kama nafsi yako haina msekirite. Si ton âme n'est pas en sécurité. Dieu lui dit. Mungu akamwambia. Insensé. Wewe huko mjinga. Angaria bwingi wa mashiku. Regardez le nombre d'années. Ile nilikupatia. Je t'ai noté. Juu angaikia nafsi yako. Pourquoi tu te préoccupes, tu t'agites pour ton âme? Mais wako nangaikia paka vitu vya ovyo. Mais toi tu t'es préoccupé seulement des choses vaines. Uko insensé. Tu es mujinga. Mtu mwenye kuwa na akili. Un homme qui est sage. Mwenye kuyua kusema ni kiumbe kia wakati. Qui connaît qu'il est une créature temporaire. Anafanyaka nguvu yake yote. Il fournit tout son effort. Amupate Yesu Christ. Pour qu'il puisse recevoir Jésus Christ. Njoo mtu mwenye kuwa na akili. Voilà un homme qui est sage. Hapana huyu bwana huyu wewe. Cet homme ici mujinga. Pumbafu. Vraiment stupide. Sasa yeye anahangaika ni juu aanze kubecha bantu. Il s'est préoccupé seulement pour concurrence. Faire la concurrence aux autres. Aiko na ndoka iko nahangaika. Sasa kama hata anapita même s'il passait. Bana msema huyu ni bibi wa fulani. Que les gens puissent l'apprécier vraiment, c'est une dame de tel. Huyu ni fulani huyu. Celui-ci c'est un tel. Njoko mbaya. Voilà son objectif. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? Chetuko ba Kristo. Nous nous sommes des chrétiens. Komba yetu. Notre combat. Ni kumupata Yesu Kristo. C'est recevoir Jésus Christ. Chokomba yetu. Voilà notre combat. Kia nini? Pourquoi? Parce que angalia mwisho ya huyu mtu. Regardez la fin de cet homme ici. Pale aliona kusema. Parce qu'il a vu que anaenesha. Mais là il a tout. Apumujike sasa. Il se repose maintenant. Unajua Dieu nini Mungu alimuita bumbafu? Savez-vous pourquoi Dieu l'a appelé ainsi? Parce que masiku yake yote. Parce que tous ces jours. Alikatalaka Yesu Kristo. Il avait refusé Jésus Christ. Alipitisha tani yake. Il a passé tout son temps. Mukutafuta paka bitu bya ovyo. Ah, la recherche de vaines choses. Na mutu wa ile namna. Mungu ako namuita pumbafu. Dieu l'appelle insensé. Kona mwita pumbafu. Dieu l'appelle insensé. Parce que kisha ya kufanya ile makazi yote. Parce qu'après avoir fait tout ce travail là-bas. Anaweka makuta ku bank. Il a beaucoup d'argent en banque. Anaweka kusema watoto wake batafunda bataisha na university. Avec ses enfants vont étudier terminer l'université. Kunyumba yake kukalaka magumu ya kusema bataria njala. Sasa maison il y avait pas de 17 ils avaient biote biko garanti. Tout était là. Maintenant nafsi yako. Mena tona matoa. Kama unakufua. Et si tu mourais. Shunaacha vitu vyote. Tu vas tout laisser. Biblia inasema. La Bible dit. Paka ile bushiku bali mulomba nafsi yake. Cette même nuit là on lui a redemandé son âme. Na wewe yako shikwa huyu. Toi aussi tu ne connais pas. C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. C'est pourquoi chaque frère et chaque sœur. Tukuye prêt hapa pa hii dunia ina fasha shiku ikalia lote. Soyons prêts sur cette terre. Nous sommes des créatures du temps. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Eko na kistari kile hata tambukaka. Ila ine. Kama muvi yako. Unaremarke kwa kitu kitakushibiria. Ushende pa fasha pazuri. Ukitoshe mshiku ya leo. Il faut l'enlever aujourd'hui. Mungu amibariki Joshua. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Tushibame tufikiri na tombe. Mettons-nous debout pour la méditation afin qu'on puisse prier. Kila mtu afikiri. Que chacun de nous puisse méditer. Taenda wapi? Où irai-je? Pre mtu tumie mwimbo moya. Mwili uninao baba umeniuzi. Kama mnaijua ile mwimbo. Tonanu un cantique. Amujue ile mwimbo, bo mwimbe bashingine ile mnaiyo. Antone notre cantique vous connaissez. Wewe mwenzangu sikia mwimbe ataifu. Mwili wako ni majani. Ile na huko naiyo. Mashiku ya muntu ni ya bongo. Leo ni yako, kesho ni ya bengine. Leo ndio shiku ya kuweka vie yako en ordre. Parce que uyue vile vitakufikia kesho. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain.